Arrête les bêtises, arrête. Arrête tout, arrête le rap, arrête tout. Prends un flingue et tire-toi dans la tête, quoi. C'est pas si c'est chaud, merde. Cherche même pas à comprendre, non, il faut que t'écoutes. Ma mère va pas te méprendre, je suis pas monsieur, c'est tout. Mais des millions de choses à dire, et vu la tronche de mon bloc, encore plus à écrire. Combien pense que je débloque? Voyons mon rap comme un loisir. J'ai dit artiste, on m'a dit atterri, j'ai dit c'est triste, on m'a dit t'es pas terrible. J'ai pris mes tripes, mon style feuille et stylo, mon but le boycott, c'est que j'aurais mis dans le mille. Depuis le premier freestyle, bordel, j'en ai parcouru des miles, sans voix de miel, reste parallèle. Façon Alice au pays des voyeurs, fermez vos volets, fais péter le beat. Par ailleurs, je vis en ermite, vu que la connerie m'irrite. Sors plus beaucoup, vu que c'est porteur limite. Bref, fais mon truc, tirant mes lattes. Anti-droit de vote, vu que les tyrans, j'évite. Vu mystery, tyran ouvert à fond. Et pas tous les sortilèges, en y restant au fond. Putain, c'est lèche, je suis le tir au flanc du rang du fond. En fin de course, à bout de souffle, je suis rendu compte que c'est en apprenant qu'on oublie tout. En fin de compte, que de toute leur honte, y'a rien qui capte. Que de ce triste monde, sommes devenus le fruit défendu en grappe. Test 1, 2, j'agrippe le mic et reste au cap. C'est why not à la prod, voici le son des rescapés. Fais péter le truc et reste assis, t'en veux encore, bouge pas, c'est juste après. Attends, je reprends mon souffle et reste précis. Récit bouclé en 2-4-6, je résume nos vies en dancy. Yes sir. On continue le combat sans trêve en rythme, même sur du funk, le bon de l'anti-maçonnique. Fidèle à la cause et à ma femme, anti-profane que se profile ma vision, que se dessine la mission. On continue le combat sans trêve en rythme, même sur du funk, le bon de l'anti-maçonnique. Fidèle à la cause et à ma femme, anti-profane que se profile ma vision, que se dessine la mission. Anti-plein de choses et fort que le reste. Y'a plus de place ici, quoi. Tant pis, je prends le risque. Donc enchaîne les lyrics. C'est un son, je crie mes man, relax. Tant que je relate les chétaneries de l'élite. J'enseigne en attendant qu'on s'organise pour faire péter Illuminate. Voilà pour faire swing et les minettes. Mes péchos le borgne et le creux et la mirette. Jurassique à l'abordage, ouais, ouais. Saignons l'amiral, ça devient blasant. J'ai plus de morale, même quand les mots roulent. J'analyse pendant trop de cons s'enrôlent. Après ça râle, veulent aller plus vite que la musique. Partons second. Et puis ça cale, le vice s'écoule et tout décale. Plus rien de trop cool mais trop bancal. C'est dingue d'en couler, toi tu restes hal. Hors demande, même quand tout s'écroule, t'es toujours hal. On continue le combat sans trêve en rythme, même sur du funk, le bon de l'anti-maçonnique. Fidèle à la cause et à ma femme, anti-profane que se profile ma vision, que se dessine la mission. On continue le combat sans trêve en rythme, même sur du funk, le bon de l'anti-maçonnique. Fidèle à la cause et à ma femme, anti-profane que se profile ma vision, que se dessine la mission. J'aime pas les conclusions, leur a toujours à dire. Rétire les points, franchir la ligne, rester dans le coin. Fonder la team, fuck, maçonnique, mazique, anti-wack. Pense au quiproquo au mien. Et à ce parti trop tôt, paru vendu les âmes au diable. Dégo intenable, cramant les amygdales. Rebalance le son à zéro si t'y as compris que dalle. En attendant c'est DJ Why Not à la prod et Skycott. On continue le combat sans trêve en rythme, même sur du funk, le bon de l'anti-maçonnique. Fidèle à la cause et à ma femme, anti-profane que se profile ma vision, que se dessine la mission. On continue le combat sans trêve en rythme, même sur du funk, le bon de l'anti-maçonnique. Fidèle à la cause et à ma femme, anti-profane que se profile ma vision, que se dessine la mission.